Salut, vous écoutez le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Le site est à http://blogblog.saint-elie.com. Sur le site, vous pouvez lire mes notes écrites, télécharger mes notes audio, les deux étant liés, puisque sur chaque note audio, il y a une note écrite qui l'accompagne. Vous trouverez notamment les liens concernant les sujets dont je parle. Vous pouvez également réagir à ces notes, vous pouvez poser des questions, apporter des réponses, trouver l'âme sœur, apprendre à piloter un sous-marin nucléaire, à réparer votre machine à laver et plein d'autres choses passionnantes. Côté ambiance musicale, on revient au blues, un blues cool et ultra convenu avec Steve Pearson. Steve Pearson, c'est un gars qui est blanc et blond de Los Angeles. Ça augure rien de bon pour jouer du blues. Pourtant, son premier CD, il l'a enregistré avec des deuxièmes couteaux plutôt intéressants comme le clavier de Joe Walsh, le bassiste du Steve Miller Band et le batteur de Taj Mahal. Comme premier accompagnateur, il y a Fred Mompire. If I went and ran around on you, all these secrets, don't you know they're killing me? Dans cette note, je vais parler de Skype, un truc très cool que je découvre après tout le monde. Je vais parler également de la photo et du GPS. J'avais écrit une note dessus et un nouveau petit appareil vient de sortir. Et puis enfin, une petite brève sur DxO, Adobe et le format DNG. Avec Skype. Skype, c'est un système dont je suis bien le dernier au monde à découvrir l'existence. En fait, c'est un messenger dans la lignée des AOL Messenger, MSN Messenger, iChat sur Mac et choses du genre. La particularité de Skype, c'est qu'il est orienté téléphonie. C'est la fameuse voix sur IP. Et ça marche vraiment très très bien, comme je viens de le découvrir. Il faut de chaque côté avoir un micro et des haut-parleurs, et on peut se parler de la même manière qu'avec un MSN Messenger ou un iChat. On va se parler par voix écrite. Je m'en suis aperçu parce que j'ai été contacté par Bertrand Lenôtre, qui est de Grenoble, c'est un ancien de la radio, et qui, comme moi, est en train de mener une expérimentation dans le domaine de l'audio sur le web, en profitant de la vague podcast, et on s'est fait une petite interview, comme ça, à distance. J'y croyais qu'à moitié, à vrai dire, et en fait, le résultat m'a tout à fait bluffé. C'est l'occasion de faire un peu de promo pour le site de Bertrand, qui vous permettra de comprendre exactement ce qu'il y a derrière cette notion de note audio. Son site est à www.podcaster.com. Donc Skype, dont le site est à www.skype.com, est un truc à essayer. Moi, personnellement, j'avais complètement fait l'impasse dessus parce que j'utilise pour le boulot le réseau de MSN et celui de AOL, qui est également utilisé par Apple avec iChat. Or, pour ça, j'emploie un logiciel qui s'appelle Adium, qui a le mérite de se connecter à ces différents réseaux. Et il ne se connecte pas à Skype. Donc Skype, je l'avais mis de côté. Adium, c'est sur Mac. Si vous êtes sur PC, il existe également un soft qui s'appelle Trillian, qui fait la même chose, c'est-à-dire qui est capable de se connecter à la fois à MSN Messenger, à Yahoo Messenger, à AOL, et qui permet en gros d'avoir un seul soft pour différents réseaux. Mais donc, sauf Skype, qui a son intérêt en soi pour les communications longue distance. Personnellement, j'ai fait l'impasse sur Skype également parce que je suis abonné chez Free et donc la voix sur IP, j'en fais depuis mon téléphone de maison. Je paye pas le téléphone, donc c'est vrai que je m'étais pas vraiment inquiété de ces histoires de téléphonie. Mais je vous recommande de vous rendre sur le site de Bertrand et d'écouter la petite interview qu'on a fait à distance, sachant qu'il est à Grenoble, que je suis à Paris. En fait, c'est tout à fait étonnant comme système. Ça vaut vraiment le déplacement et je pense qu'il doit y avoir plein d'applications intéressantes avec ce Skype. D'ailleurs, du coup, moi, je l'ai noté. Il n'est pas exclu que je m'en serve pour mes notes audio quand j'ai à faire quelque chose avec quelqu'un qui est loin. Cette histoire de GPS. GPS, ça veut dire Global Positioning System. En version courte, il y a autour de la Terre un certain nombre de satellites GPS qui tournent. Et maintenant, on peut se procurer des petits récepteurs qui permettent donc de savoir où est-ce que l'on se trouve en termes de latitude et longitude, les données étant envoyées par le satellite qui vous dit « voilà, vous êtes là ». Le GPS, c'est pas très récent. Les navigateurs s'en servent par exemple depuis longtemps, les militaires s'en servent depuis extrêmement longtemps. Ce qui est nouveau, c'est que le GPS devient quelque chose de grand public. Il existe plein d'applications, depuis les systèmes vous permettant de savoir où se trouve un radar, aux petits récepteurs qui vous permettent, quand vous randonnez dans des endroits un petit peu compliqués, de savoir où vous vous trouvez. Et j'avais écrit une note il y a quelque temps qui expliquait qu'une des applications vraiment sympas du GPS, ça serait de le lier à la photo numérique. Dans les données qui accompagnent vos images, il y a les caractéristiques de prise de vue, vitesse, temps de pose, le nom de l'appareil, la sensibilité que vous avez sélectionnée, etc. Plein de choses, certes très intéressantes quand vous êtes un professionnel qui vous permettent de localiser rapidement les conditions de prise de vue, mais au fond, dont l'amateur standard se fiche un petit peu, parce qu'a priori, vous savez avec quel appareil vous avez fait vos photos. En revanche, il y a une donnée qui serait très intéressante, c'est de savoir où est-ce que vous l'avez prise la photo. Quand vous avez une image, que vous sachiez que vous l'avez faite avec votre appareil, ça vous fait une belle jambe. En revanche, de savoir que vous l'avez faite à Montpellier le 15 décembre à 12h10, ça, en revanche, ça serait très intéressant, ne serait-ce que pour des questions de classement, et de pouvoir rechercher telle image faite à tel endroit. Imaginez deux secondes, vous ouvrez le logiciel que vous utilisez pour classer vos photos et vous lui demandez « retrouve-moi toutes les images faites à Montpellier, par exemple ». Ça serait vraiment très bien. Alors ça, c'est possible aujourd'hui. C'est possible de deux façons. La première façon, c'est d'utiliser un récepteur GPS séparé, distinct de l'appareil, et de faire, à chaque fois que vous prenez une photo, un relevé GPS. Les récepteurs un peu sophistiqués sont capables d'enregistrer dans un fichier qui sera récupérable par la suite l'heure de l'enregistrement des données et les données donc de latitude et de longitude. Comme dans les métadonnées EXIF qui accompagnent vos images, il y a l'heure de la prise de vue, il existe des petits logiciels qui, en moulinant les deux, sont capables d'associer l'heure de prise de vue qui est récupérée dans les données donc de l'image et les coordonnées latitude longitude qui, elles, sont récupérées dans le fichier fourni par le récepteur GPS. C'est seulement une première étape, puisque les récepteurs GPS ne donnent pas la ville. Il ne va pas vous dire « vous êtes à Montpellier », ils vont vous donner les coordonnées en latitude et en longitude. Donc il faudrait remouliner le tout, il existe des bases de données en ligne pour savoir que ces latitudes et longitudes correspondent à tel endroit. Mais l'idéal, ça serait que l'appareil soit capable de faire ça. Il existe un appareil grand public, semi-grand public, disons, capable de faire ça, c'est le Ricoh Caplio Pro G3. Or, et c'est l'objet de cette petite note, le Ricoh Caplio Pro G3 vient de se voir mettre à jour par Ricoh. Le Pro G3, c'est un truc très bien, qui plutôt destiné aux explorateurs et disciplines associées, qui donc, à chaque fois que vous prenez une image, sait récupérer les données GPS de cette image. Il ne restera plus qu'ensuite à les mouliner une fois rentrés sur votre ordinateur. La mauvaise nouvelle, c'est que le Caplio Pro G3 n'est pas et ne sera pas importé en France. Il est réservé au marché américain. Pour la petite histoire, ce type de récupération de données GPS est possible avec des appareils disponibles en France, à condition d'avoir touché le loto. On peut par exemple le faire avec les gros Nikon qui ont la possibilité de se voir ajouter un récepteur séparé, mais là on tombe un petit peu dans l'arme lourde, alors que l'avantage du Caplio Pro G3, c'est que c'est un compact tout bête qui aurait pu être un truc tout à fait banal. Ça le sera pas, mais c'était intéressant de savoir que ça existe et que donc peut-être demain votre appareil sera capable non seulement de vous dire avec quoi vous avez fait la photo, ce dont vous vous foutez, à quelle heure vous avez fait la photo, ce qui est plus intéressant, mais surtout où est-ce que vous l'avez faite. Et ça, je pense que c'est un truc très bien qui finira par arriver, finira notamment par arriver parce que la prochaine vague, j'arrête pas de le dire, mais c'est comme ça, de la photo numérique, ça va être les téléphones, au moins pour l'entrée de gamme. Or, dans un même boîtier, avoir le téléphone et l'appareil photo plus une réception GPS, ça doit pas être très compliqué à faire, et je pense que les Coréens vont y penser si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous paraît extrêmement obscur, cette histoire de GPS, et c'est un peu normal, je vous recommande de vous reporter à la note que j'avais écrite sur la question et dont vous trouverez l'adresse dans la liste des liens qui accompagnent ce fichier audio sur le site, donc à http://blog.sainteli.com. Pour finir, une petite news qui concerne le format DNG d'Adobe. Le format DNG se veut être un espèce de standard pour les fichiers RAW. Le constat d'Adobe, c'est que, au jour d'aujourd'hui, chaque fabricant a sa propre façon d'enregistrer les fichiers RAW, et donc, la lecture et l'utilisation de ces fichiers est subordonnée au fait qu'existe un logiciel spécifique pour ce fichier-là. Donc, on peut imaginer que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, certains des fichiers enregistrés aujourd'hui ne soient plus lisibles parce que le fabricant a abandonné la publication de logiciels dédiés. Si un fabricant disparaît, on peut tout à fait imaginer que d'ici quelques années, et la photo c'est quelque chose qui se veut pérenne a priori, on ne puisse même plus lire les photos faites avec les appareils de ce fabricant, ce qui serait un peu ridicule. Donc, Adobe est en train de travailler à un espèce de standard pour les fichiers RAW, et pour ça, ils procèdent en deux temps. Actuellement, ils ont mis en libre téléchargement sur leur serveur web un convertisseur qui prend un fichier RAW de marque X et le convertit dans ce format qui est ouvert et publié, ce format DNG donc. Si dans 10 ans, dans 20 ans, le fabricant en question a disparu, on peut imaginer que quelqu'un puisse réécrire, même si Adobe a laissé tomber, puisse réécrire un logiciel capable de lire des fichiers DNG, puisque les spécifications du DNG sont publiques, alors que les formats des différents fichiers RAW des fabricants, eux, sont souvent non seulement propriétaires, mais surtout extrêmement fermés. La démarche d'Adobe n'est pas seulement une démarche pleine de bonne volonté pour la préservation de notre patrimoine. Il faut voir aussi derrière que Adobe, qui jusqu'à maintenant était un éditeur du monde du graphisme, a une avance assez considérable sur les autres en matière de traitement d'image, parce qu'ils font ça depuis extrêmement longtemps. Et aujourd'hui, où l'image est en train de devenir quelque chose de vraiment grand public, se dit que c'est le bon moment pour faire le forcing. Et donc, ils sont présents sur tous les fronts pour devenir plus ou moins le standard du traitement d'image numérique. Il y a quand même derrière un intérêt commercial non négligeable. À la théorie que je viens d'énoncer, il faut également apporter un petit bémol, parce que en marge de ce que fait Adobe, et si effectivement les formats RAW des fabricants sont des choses propriétaires non publiées, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez écrire un logiciel qui décode, qui mouline le fichier RAW de votre appareil, vous allez galérer beaucoup. Il y a une petite équipe sous la houlette d'un type qui s'appelle Dev Coffin qui maintient une librairie en C qui, sortie de modèle après sortie de modèle, est capable de décoder les fichiers RAW. L'avantage de cette démarche, c'est que là aussi, c'est une démarche totalement ouverte. Ils ont choisi un langage C, vous connaissez pas, c'est pas très grave. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que c'est un langage de programmation qui existe sur toutes les plateformes. Il est peu probable que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus, du code source écrit en C ne soit plus lisible. Il est peu probable que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, un compilateur C ne soit plus disponible. Et donc, la démarche de DevCoffin va tout à fait dans le même sens. Même si Adobe abandonne son format DNG, de toute façon, par le biais de cette librairie, qui est très peu connue, s'appelle Desero, c'est très peu connu, mais elle est en fait utilisée par la majorité des éditeurs de logiciels qui traitent le RAW. Et donc, de toute façon, quoi qu'il advienne, soit du projet d'Adobe, soit du devenir des différents fabricants, on peut raisonnablement penser que grâce à ce projet, dans le futur, vos fichiers seront lisibles quand même. Ceci étant, la démarche d'Adobe est tout à fait louable, d'autant qu'ils vont plus loin que DevCoffin, parce qu'en fait, ce que voudrait faire Adobe, c'est arriver à refourguer son DNG au fabricant de telle façon à ce que directement les appareils pondent les fichiers RAW au format DNG. Alors ça, c'est pas gagné. Un certain nombre de fabricants ont déjà communiqué là-dessus en disant si, en gros, on standardise la façon d'enregistrer nos fichiers, ça banalise totalement ce qu'on fait et nous, on perd notre avantage concurrentiel. Qu'il existe vraiment ou qu'il n'existe pas, il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, les fabricants ne sont pas du tout prêts à ce genre de choses. Mais sait-on jamais, dans le futur, si tous les appareils capables de faire du RAW le faisaient au même format et donc qu'en fait, il n'existe qu'un seul format RAW, ça serait vraiment très cool. Ça voudrait dire que vraiment, n'importe quel logiciel pourrait faire ça et on aurait une garantie de pérennité qu'on n'a pas complètement aujourd'hui. Donc, l'objet de cette news concerne DxO, un éditeur français qui fait un logiciel un peu particulier. Ils ont analysé les caractéristiques d'un certain nombre de couples boîtiers objectifs vedettes du marché et ils proposent un logiciel permettant de corriger spécifiquement les défauts de chacun de ces couples. C'est vraiment pas con comme idée. C'est-à-dire que vous avez un Canon avec tel objectif donne du vignettage, et bien avec le logiciel DxO plus le module correspondant à cette association, vous pouvez mouliner directement vos images et il va vous corriger le vignettage par exemple. C'est vraiment très bien, c'est une vraie bonne idée. D'ailleurs la démarche derrière cette histoire de publication de logiciel pour DxO, c'est d'arriver à vendre leur technologie aux fabricants pour qu'ils l'intègrent directement dans les boîtiers. Ce qui dans certains cas de figure commence à se faire. Lentement, mais les compacts commencent à traiter certains des défauts, ce qui leur permet de fournir des images bien supérieures à ce dont ils sont intrinsèquement capables. Et bien DxO vient d'annoncer que leur logiciel allait être capable de reconnaître le format DxO d'Adobe, ça veut dire concrètement que vous prenez des photos au format RAW. Parce que vous êtes un peu paranoïaque, vos fichiers RAW, vous allez les backuper d'un côté et les convertir en DNG en vous disant comme ça je les ai en deux versions, si plus tard il y a un problème quelconque, j'aurai un maximum de chances de pouvoir récupérer mes photos. Et bien le fichier DNG, vous pourrez le faire mouliner par DxO pour pouvoir corriger les défauts de votre appareil de façon automatique. C'est une très très bonne initiative. Par ailleurs, à noter que DxO a développé également, sur la base de la même technologie, un ensemble d'outils de mesure. C'est très à la mode actuellement dans les magazines photos. Ils sont beaucoup moins performants pour la mesure d'ailleurs que pour la correction. Les systèmes DxO pour faire du test d'appareil ont plein de défauts. Mais bon, c'est le même DxO que celui que vous pouvez voir dans la quasi-totalité des magazines. Maintenant, ça fait très chic de dire « je fais mes tests avec DxO ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter avec un petit peu de blues. Toujours Steve Pearson. À bientôt. Ciao. Get the best of me. And try so hard to play it cool, but the fool won't leave me be. Enough and enough. Nothing's ever gonna satisfy me. Hungry when I see you, I get thirsty when I look in your eyes. Think we could go no further, Well, honey, are you in for a surprise? Enough and enough. Nothing's ever gonna fill this appetite. Fast cars, movie stars, and cool guitars. Cheap dope, false hope, and topless bars. Tattoos.